France Inter. Cette semaine, on a appris la mort de Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator. Il avait 85 ans. Frédéric Sigrist, vous voulez lui rendre hommage dans votre chronique Blockbuster. Mathilde, je sais que des milliers d'auditeurs et d'auditrices ont de nouveau 6 ans en entendant le générique français d'Albator 1978 chanté par Éric Chardin. Oui, le Chardin de Stone et Chardin est composé par Didier Barbelivien. Alors bien sûr, il y en a un chouïa plus jeune pour qui Albator, c'est ce générique de 1984 chanté par Franck Olivier. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Ah. Ah, ça c'est pour moi, ça c'est ma génération. Bon là on est sur du vintage, hein, ça nous rajeunit pas. Hein. Mais précisément, l'émoi qu'a suscité à raison la disparition de Leiji Matsumoto dans toutes les rédactions télé, presse écrite et radio de France m'a fait dire qu'effectivement les temps changent. Parce qu'en général, ça chouine que les jeunes ne lisent que des mangas, mais dès qu'Albator perd son papa, t'as tous les quadragénaires et quinquagénaires des médias français qui font « Oh, comme c'est triste de dépit !» Voir Libération faire sa une sur Albator cette semaine, c'est réaliser que les journalistes d'aujourd'hui sont celles et ceux qui ont grandi avec ces dessins animés des années 80. En même temps, c'est pas la première fois que Libération consacre sa une à un personnage imaginaire. Je crois qu'ils en avaient déjà fait une sur Benoît Hamon. Oh. Albator est un pirate de l'espace, chevelu et longiligne, un des deux borgnes les plus connus en France dans les années 70. Sauf que lui, il avait torturé personne en Algérie. Albator, c'est Romain Duris avec un costume de corsaire. Un pirate qui, dès les premières pages du manga de Leiji Matsumoto, dénonce l'inaction des gouvernements terriens et l'aveuglement face à la menace sylvidre. Un pirate qui ne se voit pas comme un héros, mais uniquement comme quelqu'un qui veut défendre ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire la liberté. Un thème que l'on retrouve à l'identique dans le manga One Piece d'Eiichiro Oda 28 ans plus tard. Si on ajoute à ça que dès les premières pages d'Albator, on voit un membre de l'équipage de l'Arcadia, le vaisseau culte d'Albator, brûler le drapeau du gouvernement humain car selon lui, ce drapeau ne le représente plus. Lui, son drapeau désormais, c'est le pavillon noir à tête de mort, symbole des libertés. Exactement comme dans One Piece 28 ans plus tard. Donc pour vous, Albator et le héros de One Piece ont les mêmes aspirations mais dans des corps différents. Oui, Mathilde. Pour moi, la seule différence avec les héros de mon enfance, je pense à Albator, Captain Harlock en version originale, mais aussi à Actarus, le pilote de Goldorak, Capitaine Flamme, Cobra, Ulysse 31, c'est que nos héros à nous étaient des adultes, des individus qui avaient déjà vécu des tragédies avant même qu'on les découvre, des héros taiseux qui gardaient une sorte de jardin intime pour eux. Certains avaient même les stigmates de leur passé gravés dans leur chair. Une cicatrice ou un œil perdu pour Albator, un bras et un autre visage pour Cobra, une planète perdue pour Actarus. Nos héros avaient un passé. Les héros des mangas phares d'aujourd'hui, Luffy dans One Piece, Naruto, Izuku dans My Hero Academia, sont des adolescents entièrement tournés vers ce qu'ils vont devenir. Aujourd'hui, on suit ces personnages pour voir où ils termineront, là où on suivait ceux des années 80 pour savoir d'où ils venaient. Mais ce que nous a prouvé la disparition de ce génie qui était Monsieur Matsumoto, c'est qu'on peut avoir 12 ans aujourd'hui et vibrer aux aventures de Luffy et son équipage, ou qu'on en ait passé 50 à s'enthousiasmer des aventures d'Albator, le capitaine corsaire, à la fin, on a tous rêvé devant un drapeau pirate qui signifiait liberté. Leiji Matsumoto n'était pas un dessinateur, mais un libérateur. Rien que ça, merci beaucoup Frédéric Sigrist.